Il y a les officiels que vous devriez pouvoir identifier rapidement. Mais est-ce qu'il y a eu des invités surprises?